la peste a été véritablement un élément essentiel de l'histoire du royaume, mais aussi de l'Europe, entre le milieu du XIVe siècle et la fin des années 1660. Vous avez devant vous une reproduction du retour de la peste, la fameuse peste noire de 1348, qui a fait baisser la population européenne au moins de 40%, parfois même on est au-delà de 50%, voire 60%. C'est donc quelque chose d'absolument terrible. Et ces épidémies de peste ont été récurrentes par la suite. Elles sont venues assez souvent, mais à intervalles absolument irréguliers, car la peste n'est pas quelque chose, si je puis dire, de normal ou de naturel en Europe. C'est une maladie qui vient essentiellement des plateaux de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. À ce propos, je livre à vos réflexions, si vous prenez un article Wikipédia sur l'histoire de la peste, je suis resté un peu effaré, car sur les 10 pages, il y en a 8 qui sont très bien, et on a rajouté 2 pages au début pour expliquer que non, la peste ne vient pas du Moyen-Orient ou de l'Orient, elle est naturelle en Europe, ce qui est assez extraordinaire. On peut se demander qui l'a fait, mais enfin, ça a été fait, je ne sais pas, malheureusement, je ne suis pas capable de faire rectifier. Donc, la peste est présente de 1348 à la fin des années 1660. Elle revient à plusieurs intervalles, et là, elle peut rester 2 à 3 ans, car la peste est dans les terriers des rats, et elle peut se maintenir chez nous quelque chose comme 2 à 4 ans. Donc il y a des reprises de peste possibles et il y a des retours de la peste après une première épidémie. C'est pourquoi la durée, c'est 1720 à 1722 et non pas simplement 1720. La peste de 1720 est directement liée au trafic maritime. Elle est directement liée au trafic maritime. Pourquoi ? Parce que nous savons parfaitement comment elle est survenue. Vous verrez qu'à côté de cela, il y a quelques incertitudes, cependant. Et il y a un très beau livre de Charles Carrière, Marcel Courdurier et Féréol Rebuffat, qui a été publié en 1969, qui a été réédité en 1983, et qui s'appelle « Marseille, ville morte », où tout cela est parfaitement expliqué. S'il n'y avait pas eu des travaux supplémentaires depuis, j'aurais peut-être refusé la proposition de Catherine Volpi-Yacogé de faire un exposé aujourd'hui, dans la mesure même où on aurait pu considérer, si nous avions été en 85 ou 90, on aurait pu considérer qu'il n'y avait plus grand-chose à dire, tout avait été dit récemment, à la fois par ce livre et par celui de Jean-Noël Biraben sur les hommes et la peste, qui est une somme magnifique, paru en 1975. Depuis, il y a eu quelques autres études qui permettent ou qui demandent à ce que l'on fasse une synthèse, ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui. Donc, je vous disais que la peste est arrivée par le trafic maritime. En fait, un navire qui s'appelle le Grand Saint-Antoine, qui était parti à l'été de 1719, revient à Marseille à la fin du mois de mai 1720, plus précisément le 25 mai 1720, et ce navire transporte des bacilles de la peste. Ici se situent beaucoup de questions. Premièrement, il est clair que si les règlements sanitaires qui ont été mis en place depuis la fin du Moyen-Âge, à l'exemple de ce qui s'était fait à Venise, que si les règlements sanitaires avaient été observés rigoureusement, la peste n'aurait certainement pas éclaté à Marseille en 1720. Mais le navire revenait d'Orient après une longue campagne. Il transportait des tissus de soie d'un grand prix. qu'il s'agissait de vendre en juillet de la même année à la foire de Beaucaire. Et il y avait toute une série d'intérêts qui étaient liés à cela, notamment celui du principal commanditaire pour un quart de la cargaison, qui était Jean-Baptiste Estel, qui était aussi le premier échevin de Marseille à ce moment-là. Son rôle est, comment vous dire, entouré de certaines zones obscures. Nos trois auteurs ont tendance à énoncer une certitude à ce sujet, à une culpabilité évidente, c'est moins clair sur ce plan-là. Ce qui est clair, c'est que Estelle a sans doute fait en sorte que l'on n'applique pas à la lettre le règlement sanitaire, mais, deuxième point, est-ce que la peste était clairement reconnue lorsque le grand Saint-Antoine est revenu ? Alors là, c'est une chose qui est difficile. Elle est difficile pourquoi ? Parce que, normalement, la peste commence par la forme que l'on appelle la peste bubonique, c'est-à-dire un gonflement très gros de bubons, autrement dit des ganglions qui changent de volume, qui se situent essentiellement à l'aine ou à l'aisselle. Et là, il n'y a aucun doute, quand vous voyez un pestiféré avec les bubons, vous ne pouvez pas hésiter, on sait très bien quelle est la maladie dont il s'agit et personne ne peut se tromper. Ceci dit, des études plus récentes ont montré que dans un certain nombre de cas, peut-être 10% a-t-on évalué, c'est M. Goury qui a exposé cela de la manière la plus claire dans un livre paru en 2007 qui s'appelle « Peste de point, épidémie et société ». Et dans ce livre, M. Goury rappelle que dans 10% des cas, la peste bubonique n'a pas de bubon. C'est-à-dire que le malade est bien infecté, mais il n'y a pas les signes apparents. Donc on sait qu'il y a eu à bord du Grand Saint-Antoine plusieurs morts de fièvre pestilentielle dans le retour du navire, mais ne vous trompez pas, le terme de fièvre pestilentielle, j'ai pas mal pratiqué la démographie historique, on le trouve assez fréquemment, donc en lui-même, il ne signifie pas du tout que la peste est présente. Voyant cela, ils ont essayé de se faire délivrer un certificat de bonne santé en allant à Livourne, qu'ils n'ont pas obtenu au demeurant, et il y a eu encore trois autres morts dans le retour entre Livourne et Marseille. Et là, à Marseille, normalement, si les choses avaient été appliquées rigoureusement, on les aurait envoyés à l'île de Jarre, qui se trouve à 15 km au nord de Marseille, pour faire leur quarantaine. On les a laissés aller à Pomègue, à l'île de Pomègue, avec qui l'endroit où se trouvent les infirmeries et le lazaret pour la peste, qui avait l'avantage qu'il y a des entrepôts pour les marchandises, alors qu'à l'île de Jarre, il n'y en avait pas du tout, et on aurait sans doute détruit la cargaison. C'est là, effectivement, que se situe une culpabilité de, à la fois du service de santé, mais aussi sans doute, sans aucun doute, d'Estelle et du capitaine Château qui commandait le navire. Alors, ceci dit, là encore, nous avons des incertitudes. Pourquoi des incertitudes ? Parce que ce n'est vraiment qu'à partir du 9 juillet, il est revenu le 25 mai, donc à partir du 9 juillet, que l'on commence à penser qu'ils sont peut-être morts de la peste, parce que ce 9 juillet, on se rend compte qu'il y a plusieurs décès dans les quartiers les plus pauvres de Marseille, et que ces décès peuvent s'expliquer par une épidémie de peste, car on savait qu'il y avait la peste au Moyen-Orient, plus précisément en Syrie, et le navire était allé à Saïda, qu'on appelait Saïd à l'époque, et avait chargé des tissus. Alors, pourquoi les tissus ? Rôle capital des tissus. En effet, la peste est une maladie qui se trouve essentiellement affectée les rongeurs, qui se conservent très bien, ainsi que les puces des rongeurs, dans les terriers d'Asie centrale, des hauts plateaux iraniens et également d'une partie du Moyen-Orient. Et c'est à partir des puces du rat que se fait la pas la propagation, mais que s'installe la peste. Là aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Et en particulier, dans les années 1930, on a envisagé l'idée que la puce de l'homme pouvait transmettre la peste. Mais depuis le travail de Madame Frédérique Audouin-Rouzeau, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, celui de Fred Vargas, donc depuis le travail de Madame Frédérique Audouin-Rouzeau, nous savons pertinemment que, de manière maintenant semble-t-il totalement assurée, que seule la peste, la puce du rat peut transmettre la peste. Alors la puce se maintient évidemment sur le rat, mais elle a aussi un grand tropisme pour les tissus, et notamment pour les tissus blancs, et la cargaison du Grand Saint-Antoine était une cargaison essentiellement de tissus. Donc vous voyez comment se met en place finalement le mécanisme. Imaginez ce qui s'est passé en réalité, c'est-à-dire que les tissus sont dans la cale, que quelques puces ont pu monter, et c'est ainsi, ou bien que les gens sont allés dans la cale, et c'est ainsi qu'il y a eu ces morts. Mais la chose quand même qui reste surprenante à ce moment-là, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait développé des bubons, ce qui est quand même rarissime dans le cas des épidémies de peste telles qu'on les connaît, et Dieu sait qu'on a toute une littérature là-dessus. Alors, à partir du moment où un certain lot de puces est infecté, à ce moment-là, par les rats, mais aussi par les tissus que l'on transporte, mais aussi par les vêtements des humains, la peste se transmet, et de quelques cas de pestiférés, on passe à une forme épidémique, et une forme épidémique qui peut devenir absolument épouvantable lorsque de la peste bubonique, on passe à la peste pulmonaire. La peste pulmonaire se prend par simple inhalation au contact de pestiférés. Alors voyez-vous, dans la peste bubonique, il meurt entre 60 et 80% des infectés. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. Dans la peste pulmonaire, personne ne peut en réchapper, parce qu'elle pénètre directement dans les poumons, et à partir de là, c'est fini, c'est une affaire de 2 ou 3 jours, point à la ligne. Donc, on a cette photographie, si j'ose dire, qui peut se résumer ainsi, pour des raisons que l'on ignore totalement. Entre 18 et 30% des populations ne contractent pas la peste. L'épidémie a beau être là, une partie survivent et pourtant ont été au contact des pestiférés très longtemps. Parmi les malades de la peste bubonique, entre 20 et 40% survivent. Il reste que quand l'épidémie s'est installée, on arrive à des chiffres qui peuvent être absolument effrayants. Et ce fut le cas en Provence, entre 1720 et 1722, on a eu récemment une étude de Gilbert Buti, ce qui est notre collègue à Aix-en-Provence. Gilbert Buti a montré que dans le bourg de Lavalette, juste à 5 km au nord de Toulon, il y avait eu 77% de morts. Vous voyez le chiffre, ce que cela peut représenter. À Marseille, il est mort autour de 40 à 45% de la population. Marseille étant une ville de 100 000 habitants en 1720, cela veut dire qu'il est mort entre 40 et 45 000 personnes. Et globalement, la peste de Provence entre 1720 et 1722 a sans doute représenté 120 000 décès, essentiellement sur les villes importantes, Marseille, Toulon, Avignon, Aix et d'autres cités, et elle a pu également se propager jusqu'en Lozère. Mende en particulier a été très fortement touchée. Elle est très peu arrivée à l'ouest du Rhône, et en Provence elle-même, lorsque l'on fait la carte, j'avais préparé une carte pour vous la montrer, malheureusement, pour une raison que je n'ai pas compris, dans mon appareil, la carte a sauté. Donc, cette carte montre qu'il y a, sur la carte de la Provence, les villes qui sont infectées et qu'il y a un certain nombre de villages qui sont pestiférés, mais aussi beaucoup d'autres villages, parfois contigus, pour lesquels il n'y a aucun décès de la peste. C'est une chose qui est tout à fait curieuse. Pourquoi curieuse ? Parce que l'on sait très bien, je viens de vous l'expliquer, comment la peste se dissémine par les mouvements, par la mobilité, par le transport de tissus, par les rencontres, etc. Or, ces villages ne vivaient pas de manière isolée, mais peut-être ont-ils, à cause du décalage qui s'est produit entre l'éclatement de la peste à Marseille et en Provence, peut-être ont-ils pu prendre des précautions. Malheureusement, nous n'avons pas de grands renseignements là-dessus. Car la peste de Marseille, donc, on peut considérer qu'elle commence à être reconnue début juillet. Là encore, le service médical de la ville, les autorités ont pataugé véritablement dans le gruyère, c'est le moins qu'on puisse dire, le gruyère en fusion, car il a fallu attendre le 31 juillet pour que le régent donne l'ordre de brûler le Grand Saint-Antoine, pour que les mendiants étrangers soient chassés de Marseille, vous verrez pourquoi dans un instant, et pour également que un interdit soit déclaré pour la ville. Quand un interdit est déclaré, on ne peut plus entrer, on ne peut plus sortir. En réalité, on peut toujours entrer, mais on ne peut plus sortir. Et on ne peut plus sortir, cela c'est très clair, on tire à vue. Si vous essayez de sortir d'une ville pestiférée, vous n'avez aucune chance de pouvoir survivre, car bien sûr, on ne va pas vous laisser vous approcher. Pourquoi ? Tout simplement parce que la pratique leur avait montré que la seule manière d'éviter la peste, de manière sûre, c'est de ne jamais être en contact avec les pestiférés. Alors, ils ne connaissaient pas le mécanisme de la puce, ils ne connaissaient pas le problème des tissus, mais ils avaient eu le temps de comprendre depuis longtemps pourquoi on pouvait échapper à la peste, tout simplement en créant une sorte de cordon sanitaire. Alors, c'est comme cela qu'avait été circonscrite, très difficilement, mais circonscrite, la peste de Londres en 1665, que la dernière peste du royaume en dehors de celle de Marseille, c'est 1663, et je ne sais plus si c'est Jean-Noël Birabène ou Pierre Chaunu qui a une formule très bonne, ce sont les soldats de Louis XIV qui ont permis que la peste disparaisse, tout simplement parce que le cordon de troupes interdisant la circulation, à partir de là, la dissémination du mal ne peut plus avoir lieu. C'est une notion tout à fait importante, et vous allez voir dans un instant que pour éviter que la peste n'aille plus au nord, on a créé à la frontière de la Provence, à la frontière nord et le long du Rhône en partie, un véritable mur, un mur qui était gardé par les troupes et qu'il était impossible de franchir, disons, hors de la Provence. Alors, ça n'a pas suffi pour empêcher quelques foyers, notamment, je vous le disais, dans le Gévaudan, mais en dehors de cela, ça a fonctionné, et il est tout à fait évident, tous les auteurs en sont d'accord, car c'est très clair, il est tout à fait évident que c'est la troupe que commandait d'ailleurs Berwick, Catherine Volpillac nous l'a dit ce matin, c'est la troupe et c'est le mur qui ont empêché que l'épidémie de peste ne prenne une plus grande ampleur encore. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer un certain nombre de choses. Ici, vous avez la propagation de la peste à Marseille en 1720. Cette propagation est très intéressante à voir. Pourquoi ? Parce que la peste a éclaté dans les rues les plus populaires de Marseille. Les rues les plus populaires, pourquoi ? Parce que nous savons que à l'infirmerie et au lazaret, à Pomègue, la quarantaine n'a pas été vraiment observée, en ce sens qu'il y a eu des contacts entre les parents ou les familles de marins, peut-être même avec des fripiers, parce qu'il y avait une intense contrebande, et que des tissus ont été emmenés en ville. Bien entendu, ce n'étaient pas les tissus les plus chers, ceux destinés à la foire de Beaucaire, c'était des tissus ordinaires, et ils ont été emmenés dans le coin où il y avait le plus de fripiers, au centre même de Marseille, celui que vous avez ici, où vous voyez que toutes les flèches partent de cet endroit, et à partir de là, la peste a gagné l'ensemble de la ville. Elle a gagné l'ensemble de la ville. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez, entre le 20 et le 25 juillet, quelque chose comme 100 à 200 décès par jour. Fin juillet, on arrive à 400-500, et dans la première semaine d'août, on est à 1000 décès par jour. 1000 décès par jour, c'est effroyable, ça pose des problèmes extraordinairement difficiles, notamment l'évacuation des cadavres, etc. Ce n'est pas un mince mot. Et puis, les infirmeries ne suffisent plus. Dans les familles, s'il y a un pestiféré, en règle générale, on le fait sortir parce que c'est à peu près la seule solution. Ne jugeons pas, comme on le fait beaucoup trop souvent, les gens qui sont partis parce qu'ils le pouvaient ou ceux qui se sont enfermés, comme par exemple dans plusieurs couvents de Marseille à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous ne savons pas quelles seraient nos réactions dans un contexte semblable, même en ayant médité le roman de Camus. On ne sait pas du tout quelles peuvent être les réactions de chacun à ce moment-là, et parce qu'ils savaient tous pertinemment que tout contact avec les pestiférés était catastrophique. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont pu, et pas simplement parmi les riches, sont partis de Marseille à ce moment-là. Ceux qui avaient des parents à la campagne qu'ils pouvaient aller voir, etc., n'ont pas hésité, ils sont partis eux aussi. Et bien entendu, ça a été une des raisons de la dissémination de la peste en Provence. Alors, vous voyez, la carte ici est très claire. Imaginez-vous que l'on est, dans le cas de cette année 1720, à Marseille, bien au-delà de tout ce que peut vous montrer Camus. Ça n'a presque rien à voir, si j'ose dire. Pardonnez-moi, je ne vais pas dire que Camus c'est de la littérature, mettant cela entre guillemets, mais par rapport à ce qui s'est passé, bon, on est dans un autre contexte et un autre ordre d'idée. Alors ici, vous avez le chevalier rose qui fait évacuer des cadavres, excusez-moi si ce n'est pas extraordinairement bon comme reproduction. Ah, si, c'est meilleur, là. Donc, le grand problème a été cette évacuation des cadavres. Que faisait-on? Eh bien, on creusait des fosses, on les mettait dedans, et il y a aujourd'hui beaucoup d'études paléodémographiques, parce que, comme on recouvrait de chaux, les cadavres ont été conservés, les squelettes sont en très bon état, et ça permet de faire aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire en soi, ça permet de faire des études sanitaires de la population de Marseille à ce moment-là, car on a toutes les classes d'âge, on a toutes les classes sociales, etc., qui sont concernées par les charniers de la peste. Alors ici, vous avez l'évolution journalière du nombre de décès entre juillet et novembre 1720. Vous voyez à quel point c'est impressionnant comme courbe, mais il y a aussi autre chose qui doit vous retenir, c'est que la peste d'elle-même a reflué à partir de la fin de l'été. Il y a encore eu des morts de peste d'octobre à novembre, il y a eu 2 ou 3 poussées en 1721, il y a eu une grande crainte en mai 1722 parce qu'il y a eu à nouveau une poussée de peste, mais finalement, elle a reflué, et là, on est sans doute devant tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure en vous donnant des pourcentages. Il est venu un moment où, à partir de ceux qui étaient guéris, de ceux qui, quoi qu'il arrive, ne contractent pas la peste, qu'à partir de là, les possibilités de dissémination épidémique devenaient très faibles, et puis j'ajouterai qu'on a brûlé systématiquement les habits des pestiférés, on a brûlé systématiquement les tissus, ou quand on n'a pas brûlé les habits des pestiférés, ils étaient dans la fosse avec la chaux par-dessus, la chaumille par-dessus, donc de toute façon, il n'y avait plus de risque de dissémination. Là, vous avez le fameux cours de Marseille, c'est un tableau remarquable de Michel Serres, peintre provençal en 1727, et qui vous montre comment une partie de la population a vécu dans la rue à partir du moment où la peste s'est déclarée. Les malades étaient dans la rue, beaucoup de gens y mouraient, Et évidemment, les malades qui guérissaient pouvaient après regagner leur logis, mais tout simplement, ils n'avaient pas d'autre solution. Et il y avait d'autant plus intérêt à aller dans la rue qu'il fallait aussi pouvoir recevoir des secours alimentaires, car un des grands problèmes de la peste est qu'il n'y a plus d'activité économique et qu'à partir de là, comme le dit un chapitre du livre Marseille, ville morte, qui les nourrira ? Alors justement, c'est une des choses qui mérite de nous retenir et sur laquelle on ne s'est pas assez arrêté jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a nourri la population de Marseille, on a fait venir du blé du Moyen-Orient, on a fait venir du blé du Languedoc, et on a réussi finalement à faire en sorte que la population de Marseille reçoive le pain nécessaire. Le bétail est venu à pied du Massif central, comme il venait d'ailleurs au demeurant auparavant, et la population a continué à être nourrie. Alors c'est une chose les plus étonnantes, malgré l'interdit, mais voyez bien ici, une fois que ceux qui amenaient le blé ou le bétail étaient rentrés dans Marseille, ils n'en sortaient plus, bien entendu. Alors là, c'est une nouvelle vue du chevalier Rose en train de faire évacuer les cadavres. Qui était le chevalier Rose ? C'était un noble qui, à cheval, a dirigé les opérations, a été commissaire général pendant l'épidémie. Ici, vous avez le service sanitaire, si j'ose dire, de Marseille. Alors vous avez en haut, en noir, le port lui-même. Juste après, a assuré l'île de Pomègue, qui est l'endroit où se trouve le lazaret et les infirmeries, et plus bas, l'île de Jarre, qui permettait véritablement là de n'avoir aucun contact pendant les 40 jours. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. La quarantaine pour les personnes est de 12 à 20 jours simplement, à l'opposé pour les marchandises, elle est d'au moins 40 jours. Et s'il est observé, eh bien, il ne se passe pas d'épidémie. En réalité, Marseille n'a cessé d'avoir des dangers de peste. Et il y a eu la bagatelle d'une vingtaine d'attaques de la peste au XXe siècle, avec quelqu'un qui a joué un rôle important, qui aujourd'hui n'est plus connu par lui-même, mais par son descendant, c'est le docteur Adrien Proust, qui, à ce moment-là, a été chargé véritablement de ce service. Donc, vous le voyez, les problèmes sanitaires, les règlements sanitaires sont très importants, car ils ont permis d'éviter qu'on ait à nouveau une épidémie de peste. Ici, c'est une vue qui est malheureusement très antérieure, elle est de 1791, où vous avez le lazaret de Marseille et les infirmeries, mais malheureusement, je n'ai pas de dessins qui soient des années 1720. Alors, avis au public, c'est simplement que l'on dit qu'il y aura un problème pour l'enlèvement des cadavres, mais c'est intéressant parfois de voir que l'on prend des avis comme cela, et que même si une partie de la population n'est pas alphabétisée, encore qu'en ville, en 1720, on peut considérer que dans une ville comme Marseille, il y a environ 70% d'alphabétisés, sûrement. On a donc des affiches, et là, l'arrêt du Conseil d'État du roi qui interdit tout mouvement et tout commerce à cause de la peste. Je vous passe sur ce tableau-ci parce qu'il est relativement difficile à lire, mais il traduit simplement à Toulon quels sont les gens qui ont été atteints de la peste, combien sont morts, etc. Et je le mettrai bien sûr dans l'article pour vous donner les chiffres. Je vous ai donné les pourcentages il y a déjà un petit moment. Ici, nous sommes à Lavalette, dont je vous ai parlé, et vous avez la courbe des sépultures de Lavalette à partir du moment où l'épidémie s'est propagée. Alors, Marseille, c'est juillet, août, septembre essentiellement, 1720. La Provence, pour une grande partie, c'est de novembre à mai 1721, voire à l'été 1721. Et il y a eu aussi d'autres foyers épidémiques qui ont commencé au printemps 1721 et qui sont allés jusqu'à l'été 1721, mais qui sont quand même moins nombreux. Pour le reste, comme je vous le disais, ce sont des poussées récurrentes. Là, c'est l'évolution des baptêmes, mariages et sépultures de Lavalette entre 1705 et 1739, et vous voyez comment la pointe de l'épidémie des pestes se détache de manière tout à fait remarquable sur le graphique. Ici, quelque chose d'intéressant, ce sont les testaments. Car en effet, à l'époque de la peste, les testaments se multiplient, parfois de manière rocambolesque, dans la mesure où l'on sait que, assez souvent, pour éviter tout contact avec des gens susceptibles d'être atteints ou déjà pestiférés, le notaire est au premier étage et, sous la dictée, il prend le testament que fait à ce moment-là la personne qui craint de mourir. Là, notion tout à fait intéressante, c'est une vue un peu naïve de la ville d'Apt au XVIIe siècle, mais elle a un avantage sérieux, c'est qu'elle vous montre de manière très claire comment on a affaire autrefois à des villes murées. Ce sont des murailles partout, et vous en avez dans toutes les villes. Beaucoup d'entre vous connaissent sans aucun doute Bordeaux, mais ne savent pas forcément que derrière la fameuse façade des quais de Bordeaux, au moment de la Révolution encore, la muraille est intacte. Elle se trouve simplement à moins de 10 mètres de la façade de Tourny que l'on connaît par toutes les photos. Donc les villes restent murées et les portes de Bordeaux étaient ouvertes et fermées chaque soir, encore au début de la Révolution. Donc c'est vrai partout. Autrement dit, quand la peste éclate et qu'une ville est frappée d'interdit, elle se ferme, tout simplement. Là, ce sont des ex-voto. Les deux ex-votos que je vous montre sont des ex-votos de la ville d'Apt, qui sont intéressants parce qu'ils montrent l'importance de la piété au moment de la peste. Et ici, il faut citer le nom de Monseigneur de Belzunce, qui était l'évêque de Marseille, qui s'est multiplié pendant la peste, qui a fait de très nombreuses processions, qui est allé au contact des pestiférés, etc., et qui est considéré comme un exemple véritablement de quelqu'un en responsabilité qui non seulement n'a pas démissionné, mais au contraire s'est vraiment occupé des Marseillais. Estelle, d'ailleurs, a essayé de se racheter s'il est vraiment coupable. Enfin, il l'a été au moins par négligence, sans aucun doute, parce qu'il est mort pendant la peste, il a lui-même attrapé la maladie. Un autre ex-voto d'Apt, qui est très intéressant du point de vue iconographique, mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et ici, une statue de Saint-Roch, avec les différents attributs. Vous voyez qu'il montre sur sa jambe le bubon. Il y a le chien, il y a la gourde aussi, tout à fait reconnaissable. Et là, une autre vue qui est tout à fait autre chose. En 1780, les échevins de Marseille ont demandé à Louis David de bien vouloir leur faire un tableau de Saint-Roch pour rappeler la peste de 1720. Il est à ce moment-là à Rome, où il a obtenu la bourse et la possibilité d'aller à l'école de Rome, et Louis David leur fait ce tableau, qui est un tableau très original, où vous avez la Vierge et l'enfant qui paraissent sortis d'un tableau de Poussin, quasi directement, et au contraire, le reste est beaucoup plus caravagesque, il y a une période caravagesque de David à ce moment-là, le tableau qui lui vaut la célébrité. Et c'est à partir de ce tableau que Louis David a été considéré comme un très grand peintre et que sa fortune, en quelque sorte, a commencé. Mais en même temps, le tableau était si peu dans les canons demandés que les échevins de Marseille, dans un premier temps, se sont demandé s'ils allaient l'accepter. Comme il y avait cela et que le tableau avait beaucoup réussi, pour des raisons financières, David a fait une copie qu'il leur a envoyée pour pouvoir expédier son vrai tableau à Paris de façon à mieux se faire connaître, mais les échevins n'ont pas marché et finalement il a été obligé de leur donner. Alors ici, le fameux mur de la peste, alors vous voyez quand même que c'est quelque chose d'extraordinaire, la distance sur laquelle on fait ce mur. Et il y a encore des endroits où l'on peut le voir aujourd'hui. Ici, une colonne qui rappelle la peste, là, un buste du chevalier rose, l'habit des médecins, ce qu'on appelle, ou infirmiers, ce qu'on appelle les corbeaux, qui est destiné à éviter tout contact avec les pestiférés. Et on avait même compris que par l'inhalation, on pouvait attraper la peste. Donc, dans le bec du corbeau, il y a en principe des parfums qui sont censés purifier l'air. Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant comme dessin. Je dois vous dire que quand même, pas mal de médecins ou d'infirmiers mouraient lors des pestes. Mais d'autres aussi survivaient, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, le fameux tableau des pestiférés de Jaffa, du baron Gros avec Bonaparte, qui me laisse, moi, un peu perplexe. Pourquoi ? Parce que tous les témoignages disent qu'il allait toucher les bubons. S'il l'a fait, ou bien il était inconscient, ou bien il était d'un courage absolument exceptionnel, car véritablement, c'était risqué. Le bougon lui-même, vous ne risquez rien. Hein. Mais bon, les habits et les pestiférés sont là, donc je suis toujours un peu perplexe devant ce tableau. Alors, pour terminer tout ceci, je ne sais pas comment l'arrêter, mais peu importe. Pour terminer tout ceci, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la peste ? Vous dire qu'il faut rappeler d'abord l'atmosphère absolument épouvantable de la vie en temps de peste. C'est quelque chose d'étonnant. Toutes les relations sociales ou autres sont fracturées, avec des comportements qui, au demeurant, peuvent nous surprendre, parce que, par exemple, on a la preuve qu'on continuait à jouer aux cartes, à fréquenter des cabarets ou autres. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'on risquait fort de mourir, qu'après tout, bon, dans la mesure même où on n'avait aucune chance de pouvoir sortir de la ville, pourquoi, après tout, ne pas se livrer à certains plaisirs ? Il faut souligner que la peste, du point de vue économique, était quelque chose de catastrophique et a été catastrophique, bien sûr, pour Marseille. Mais ne pas oublier ici que les reprises peuvent être extrêmement rapides, et elle l'a été, effectivement, et également que les reprises démographiques peuvent être rapides. Elles peuvent être rapides à condition qu'il y ait une forte immigration. À Marseille, la reprise a été très rapide. Dans les 10 ans, pratiquement, on a refait l'essentiel de la population de Marseille. Dans de petites villes comme La Valette, il a fallu attendre 1760 pour retrouver la population antérieure. Dans de nombreux villages, il en est pareil. Donc, suivant les cas, les effets de la peste peuvent être catastrophiques. Alors, vous allez me dire maintenant, parce que nous sommes là réunis autour de Saint-Simon et de Montesquieu, qu'ont-ils dit de la peste de 1720 ? C'est un peu la déception. Dans les mémoires, Saint-Simon relate l'arrivée de la peste. Il y a environ 8 lits. Et autant le passage sur le grand hiver est tout à fait remarquable et long, d'ailleurs, suffisamment, il fait presque une page, autant la mention de l'arrivée de la peste est relativement très courte. Il en reparle durant l'été 1722 pour dire « la peste est partie ». Il n'y a plus la peste en Provence et la vie de Provence a repris. Donc, en gros, Saint-Simon a consacré 10 lignes à la peste, ce qui n'est pas un reproche, mais qui, si vous voulez, est très intéressant, parce que par rapport à ce que vous nous avez montré ce matin, le nombre de brochures sur la peste, et ça, on est un peu stupéfait. Sauf erreur de ma part, mais là, je pars sous votre contrôle, Montesquieu n'en parle qu'à l'occasion du Montauban, où la peste aurait eu lieu, du Montauban. Bien sûr, il s'agit du Montauban des baronnies et non pas de la ville de Montauban. Et il donne une fausse information parce que, d'après ce qu'on lui a dit, la peste serait arrivée au Montauban. Or, elle n'est jamais allée dans les baronnies. Enfin, ça, c'est pas. On ne va pas incriminer Montesquieu là-dessus. Il n'y pouvait strictement rien. Alors, finalement, si vous cherchez à avoir un grand auteur littéraire qui s'est occupé de la peste, ben, il faut passer outre-Manche. Il faut passer outre-Manche, car il y a un auteur, effectivement, qui, aussitôt, s'est intéressé à l'éclatement de la peste en France, qui a multiplié les articles à ce sujet, et qui même, 3 ans après, a écrit un livre extraordinaire sur la peste de Londres de 1565, le journal de l'Inde de la peste, Daniel Defoe. Et l'auteur qui s'est à l'époque le plus préoccupé de la peste, c'est donc Daniel Defoe. Alors, ce qui est quand même surprenant ici, c'est que l'on n'ait pas plus de témoignages littéraires ou d'auteurs de l'époque sur la peste, alors que la crainte a été générale. Une ville comme Bordeaux ou comme La Rochelle, qui sont des ports en relation avec le trafic atlantique ou méditerranéen, vivent pendant 3 ans sous la crainte véritablement que la peste n'arrive. À plusieurs reprises, on jette des cargaisons de navires qu'on craint infectés. Il y a une véritable terreur dans la ville que on soulignait dans ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un colloque Peste, épidémie et société, qu'ont souligné Pascal Even et Stéphane Barry. Et on a véritablement une peur atroce que la peste ne puisse arriver. Et puis pour les Bordelais, il y a quelque chose de tout aussi grave finalement, car nous sommes à une époque où le vin que l'on boit est un vin clairé, qui pèse assez peu, qui ne se conserve pas au bout d'un an, 15 ou 16 mois, et catastrophe, le vin de l'Ermitage n'arrive plus, donc on ne peut plus renforcer les Bordeaux. Merci infiniment pour cette communication passionnante.